une étrange histoire hier, j'ai rêvé. Rempli de jolies filles l'été. Le soleil, la plage, les cocotiers. Le doux massage des vaïnées. Comme si un air de liberté venait souffler sur mon oreiller. J'étais grand, beau, fort, musclé. Les lunettes noires, la casquette retournée. De ces gars que tu vois qu'à la télé. Toujours très bien, très très bien entouré. Si j'avais pu imaginer que j'étais loin de la réalité. Une voix douce m'a dit, réveille-toi. Ton rêve demain, tu finiras. Elles ne sont sûrement pas plus belles que moi. Alors embrasse-moi. D'une étrange histoire demain, je rêverai. De jolies filles l'été. Le soleil, la plage, les cocotiers. Le doux massage des vaïnées. Comme si un air de liberté venait souffler sur mon oreiller. Jamais cet air de liberté viendra perturber réalité.